en plein jour. Tu m'as fait mal, ça va, ça va. Si j'étais de ta vie, et là ma foi, je perds tout. Tu veux que je me casse? Alors vas-y et fais ta chance. My love.